Hey tout le monde! Bienvenue au Best Podcast Ever, le podcast geek qui se prend pas au sérieux! Oh non! Votre animateur Seb Richer et mon co-animateur Steve! Hey hey, le beau Steve Charon! Ok oui! Hey Steve, tu sais, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben, premièrement, on devrait parler pas mal de jeux vidéo, on devrait parler de films, un peu de trucs culturels, tout ce qui touche à la techno, la fantasy, la science-fiction, ouais. Tout ce qu'on aime, là. Ouais, faut le dire au monde, mais aujourd'hui, c'est un épisode spécial, c'est notre premier épisode. Hey, c'est pas facile! Oh non, mais en plus, les critiques, on va se les garder pour la semaine prochaine. Cette semaine, on va juste comme discuter, puis vous allez apprendre à nous connaître. Ouais, c'est ça, on va faire un récapitulatif des jeux puis des films qu'on a bien aimés en 2013 puis la semaine prochaine on prend ça au sérieux puis on fait des grosses critiques pour des choses particulières. Ouais, puis si par chance il y a quelqu'un qui nous entendrait à notre show, on a un email. C'est lbpdce@gmail.com. On a aussi une fan page Facebook, le best pas de casque ever. Ouais, c'est ça, faut le dire, nous autres, c'est le best podcast ever. C'est un espèce de jeu de mots assez rigolo. Ouais, comme faire de la moto pas de casque. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est aussi dangereux de nous écouter que de faire de la moto. Ouais, fait que nous, on a pas de casque, mais vous, mettez-vous-en un, parce que... Oh que oui! Nous autres, ça va barder. Fait que, hey, on part-tu la première, le premier segment? Ouais, ok, on okay, va partir c'est... notre premier segment dans 5, 4, 3, 2, 1! Confetti! Ah, oh, c'était bien bonne cette tune-là, hein Steve? Ah, mais ça, c'est dans le vent. Ouais, hey Steve, j'aimerais ça que tu me parles des bons jeux que tu as joués cette année en 2013. Ben, des super bons jeux que j'ai trippé. Ben, je suis pas sûr que c'est 2013, mais Skyrim, qui est vraiment un classique, là. Ok, ouais, c'est sûr. Il y a le classique qu'ils ont repris dans le temps de mon 386, c'est XCOM Enemy Unknown. Ça, j'ai vraiment trippé, je vais peut-être vous en parler plus tard. J'ai bien aimé le Far Cry 3 Blood Dragon, l'édition spéciale. T'as-tu aimé les clichés, excuse-moi de te couper, mais t'as-tu aimé les clichés qu'ils ont fait dans le jeu Blood Dragon? Ah non, ben c'est surtout sur ça que j'ai trippé, admettons, le fluo, comment que les gens parlaient dans le jeu, là, les programmeurs, là, les discussions, pis ah, tout ouais. Ça, là, c'est vraiment tordant, là, c'est les vraiment bon. Les graphismes pis tout, c'est vraiment ouais. Solide, ce jeu-là. Ouais, c'est surprenant, tu sais, pour un jeu en spécial ou juste une extension, que c'est toi qui m'as dit le premier que c'était standalone, là, t'es ouais. Pas habitué d'avoir Far Cry 3. Mais non, c'est ça, en plus. Ouais. C'est vraiment brillant, là, ça fait comme une bonne promo pour leur jeu, là. Ouais, puis en plus, quand il vient en spécial, là, ça vaut vraiment la peine, là, puis... Même toi, t'as commencé par jouer à Blood Dragon avant de jouer au vrai Far Cry 3, là. Ouais, j'ai tellement aimé le Blood Dragon que j'ai été me chercher le Far Cry 3 pour console après. Mais c'est ça, le truc qui m'a déçu, c'est que j'ai joué sur mon ordi en premier, puis j'ai un i7, puis c'est ça, c'est pas pour faire mon frais. Mais c'est ça, après quand je suis retombé à Far Cry 3 normal, sur console, là, et Colin, que j'étais déçu. C'est là. Pas pareil, hein? Non, juste, admettons, les ennemis, là, puis l'environnement, là, et il y a toute une différence. Ouais, c'est fait que dorénavant, je vais brancher mon ordi en HDMI direct sur la TV, là, pour les prochains jeux. Mais surtout avec les nouvelles consoles qui arrivent à grands pas. Ouais, à grands pas, mais... Tu sais, je suis pas sûr, parce que, comme là, présentement, admettons, les ordinateurs publics que le monde ont, c'est des i7, là, puis ouais. C'est un 4 coeurs, c'est ça? Ouais, je pense bien. Mais les nouvelles consoles, ça va être des 8 coeurs, mais les programmeurs, ils programmeront pas, admettons, sur des 8 coeurs ou le début du jeu, la première année. Moi, personnellement, je pas sûr, là. Il va falloir qu'ils fassent une bonne campagne là, pour que je puisse m'acheter une nouvelle console. Parce que l'ordinateur maintenant avec Steam, ça fait un job en colline. Ah, Steam sont vraiment venus me chercher. Ouais, ben c'est toi qui me l'as vendu, puis avec raison, là. Mais c'était compliqué avant de jouer sur PC, mais maintenant avec Steam, c'est un vrai bijou, là. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai pet, parce que, admettons, avant, tu pouvais acheter un jeu d'ordinateur dans un magasin quelconque. Aussitôt que tu l'achetais puis tu le déballais, tu perdais ta garantie. Ouais. Puis s'il y avait un bug puis il marchait pas, ben t'étais fait. Ça, là, ça m'est déjà arrivé des jeux à cause des configurations de lecteurs DVD ou des trucs poches, puis que là, ça marche pas tant que sur Steam. Ça fonctionne à tous les coups, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est un bijou. Ouais, des autres jeux aussi. J'ai bien aimé Dead Space 3. Un petit jeu... c'est un jeu indie, ça, à Somme Note? Ben, je pourrais... Ouais, on pourrait caller ça indie, ouais. Ouais, celui-là, il est vraiment excellent. Puis au prix qu'on l'a eu dans les rabais Steam. Ouais, c'était pas cher, puis c'est super le fun, là, un genre de petit mélange de bot tour après tour, puis de Contra, là. Puis aussi, les deux, on a bien aimé Command & Gear of War 4. Ouais, c'est pas mon préféré, moi qui est très très fan de la série, mais j'ai aimé quand même. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, tu sais, je suis moins un joueur en ligne de compétition, mais qu'est-ce que j'ai trippé sur le jeu, c'est qu'il y a deux story modes, puis même le deuxième est quand même assez long, puis avec des monstres différents, puis ouais, j'ai vraiment apprécié. Là. Ouais, j'ai même pas essayé. Pis toi, Seb, c'est quoi les jeux que t'as trippé cette année en 2013? Ben moi, j'ai joué pas mal sur ma Wii U parce que je me suis procuré une Wii U. Fait que j'ai joué à Zombie U. Ouais? Ah, ça, c'est vraiment trippant, ce jeu-là. C'est vraiment dur. OK. Mais sauf que ça fait vraiment changement de jouer avec une manette, avec une TV dedans, là, avec un petit écran de 7 pouces. Ouais. Pis toutes les fonctionnalités que la manette t'apporte dans ce jeu-là, c'est juste trop immersif. OK. Sauf que c'est tellement dur, par exemple. Ça n'a rien à voir avec un Left 4 Dead, là, que tu fonces dans le tas. Non, ça n'a rien à voir. Juste pour dire aux gens qui ne sauraient pas c'est quoi Zombie U, c'est un jeu de survival zombie fait par Ubisoft. OK. Puis c'est pas mal ça, c'est pas mal de la survie. Fait qu'il faut que tu comptes tes balles. Puis comme tu dis, c'est pas question de rentrer dans le tas. OK, il faut tout le temps que tu prennes ton temps pour attaquer. Ouais. Puis. C'est très stratégique, puis ça prend 3-4 coups de batte de baseball pour abattre juste un zombie. Fait qu'il faut pas que t'en aies deux, puis plus de munitions, parce que c'est fini. OK, c'est un peu à l'essence des premiers Resident Evil là, qui étaient durs. Ah ouais, ouais, mais c'est pas mal meilleur, ouais. OK. Parce que ça, admettons, le dernier Resident Evil, il était bon, mais c'était comme écouter un film facile, là, tu sais. T'étais pas bien stressé, tu te le tapais, c'était bien le fun, mais y a rien de mémorable, puis on n'a pas sacré après ce jeu-là. Non, pis c'est très action, tu sais, moi, je suis plus old school Resident Evil, les accessoires horreur, tu sais, t'avances tranquillement, puis c'est plus le cas vraiment, là, ça a changé. OK, sinon, qu'est-ce que t'as joué, admettons, sur Xbox? Ben, hey, il faut bien qu'on en parle, hein? GTA V. Ouh! Ça, je pense que tout le monde connaît ça, parce que sinon, je me demande pourquoi vous nous écoutez, c'est sûr, parce que... Ouais, le jeu du moment, là. Ouais, c'est pas mal, ouais. Toi, t'as-tu joué un peu à ça, Steve? Ouais, j'ai juste fait de location, parce que moi, j'aime bien ça, acheter des jeux en spécial usagés ou de quoi de même, parce que la plupart des jeux que j'achète, j'ai termine, puis là, j'ai encore une batch de jeux à terminer, là. Ouais. Fait que le temps que je finisse mes autres jeux, ben, là, il va être moins cher. Puis, j'aimerais pas ça peut-être l'acheter pour mon ordi, comme que je disais tantôt, là. Ouais, mais que ça sorte sur ordi. Ben, par exemple, Rockstar, eux autres, ils m'ont fait tripper dans plusieurs jeux, là, surtout ces anciennes consoles, genre sa PS2. Là, j'avais joué à The Warrior, que j'avais terminé, puis qui était vraiment extrêmement long avec mes chums de gars. Là, on jouait souvent. Ça, c'est quel style de jeu, ça? Parce que moi, j'ai jamais joué à ça. The Warrior, ben, c'est un vieux film là, des années 80. C'est des gangs de rue de New York. Puis que là, il faut que... admettons, tu voles des radios de char, puis tu te bats contre d'autres gangs, puis tu ramasses de l'argent pour ta crew, pour devenir plus fort, puis t'acheter un plus grand local. Là. OK, ça va. Un jeu un peu à la Biker ou à Son of Anarchy, là, un peu de ce style-là, mais pas de conduite de véhicule, juste du pétage de gueule. Puis, l'autre aussi que j'ai bien trippé, c'est le Max Payne 3. Ah oui, il était bon ce jeu. Ah, l'histoire était vraiment écœurante. Là, on parle vraiment meilleur que le film qui avait Mark Wahlberg dedans. Puis qui était vraiment mauvais. Ouais, puis, c'est sûr. Ce film-là, ça volait pas haut. Puis les deux, Red Dead Revolver, puis l'autre... Red Dead 2, là, je pense qu'il y avait le 1 puis le 2. Mais le Redemption, j'ai moins trippé parce que c'était vraiment à la sauce Grand Theft Auto puis trop de voyagement à cheval. Puis, ouais, c'est vrai que ça pouvait être long en cheval. Ouais, je l'ai loué peut-être deux fois, mais là, ça me tentait pas de m'investir un autre 50 heures pour finir ce jeu-là, tant que les deux autres premiers, c'était vraiment stage après stage, puis c'était plus le fun, là, j'aimais mieux ça. Là. OK, ouais. Puis toi, dans la liste de jeux faite par Rockstar, lesquels t'as trippé? Ben moi, j'ai pas mal joué à toutes les Grand Theft Auto, c'est sûr. Je vois plein de jeux que j'ai pas vraiment joué et que je voulais essayer, comme Bully, Scholarship, là, Edition. Ah non, moi avec mes chums, ils ont joué, mais j'ai pas pris le temps de jouer à ça non plus, là. Ouais, ça, c'est toute une compagnie, par exemple. Ou les Midnight Club, par exemple, qui était le fun, là, tu sais, avec les villes aussi grandes que Grand Theft Auto, mais juste la course automobile, là. Ouais, c'est ça, j'ai pas de PlayStation 2, fait que j'ai pas mal passé à côté de tous ces jeux-là. Oh, tu jouais à quoi pendant ce temps-là, au Xbox normal? Ouais, probablement, ouais. OK, ouais. Ouais, moi j'étais, tout le temps été plus Xbox. Pas ouais, que j'aimais pas ça, là, mais... Puis comme qu'on peut regarder, disons que PlayStation 2 puis Rockstar, là, il y avait une grosse alliance ensemble, ouais. Donc il y avait une couple de jeux Windows, mais Xbox était plutôt rare, là. Ouais, ça c'est vrai. À part les grosses sorties, le reste, ils les avaient pas. Sinon, t'as joué à quoi d'autre? Moi j'ai joué à Red Dead Redemption, puis moi j'ai aimé ça. J'ai joué pas mal, je l'ai pas fini parce que je finis pas mes jeux, vous allez me connaître. Mais moi j'aimais ça, me promener en cheval, puis j'ai bien aimé l'extension A Dead Nightmare avec des zombies. Ouais, mais hey, c'est dur en colline. Ah oh ouais, non, ça c'est vraiment dur aussi. Tu sais, il faut que tu leur mettes juste une balle dans la tête, sinon y a-tu d'autres moyens d'être tué? Ben non, mais si tu prends le Red Eye, je pense, l'espèce de ralenti là, avec le cowboy. Ouais. Fait que là, t'as pas chaud d'utiliser ça là, parce qu'il fait que t'as headshot les zombies. Ok, le genre de mode Max Payne au ralenti. Ouais, exact. Ça, là. Mais moi, ce qui faisait plus rire, c'est quand je me promenais dans la forêt. Puis qu'il y avait des cougars zombies qui m'attaquaient dans le dos. c'est vraiment original, là. Les cougars, ils se nourrissaient de zombies, puis ils se transformaient après, là. C'est... J'imagine. Bizarre. Ben, l'histoire était écœurante, là. Ça parlait d'hommes... comment t'appelles ça? Les hommes pleins de poils, là, super gros, qui se cachent dans la forêt, là. Le Bigfoot? Ouais, genre ça. Il y avait des histoires avec le Bigfoot, puis tout. C'était okay. Assez farfelu. C'était cool, ça? Ben ouais, c'était vraiment bon. OK. Sinon, t'as-tu joué un peu au PS3? Tu t'es-tu acheté des bons jeux? Au PS3, j'ai essayé le jeu que tout le monde parle et que tout le monde a aimé. Ça s'appelle The Last of Us. Ouais, moi, j'ai même pas eu l'occasion de l'essayer. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis sûr que plusieurs personnes vont me détester et vont arrêter le podcast maintenant. Mais moi, j'ai pas aimé ça. Ouais, ben, Talbot aussi, hein, qui a trouvé ça ordinaire, pis qu'il a dit que, genre, leur cut était overrated de 100 000 à l'heure, là. Moi, j'étais d'accord avec lui, pas parce que je lui ai été nécessairement le jeu, mais c'était pas ce que je recherche dans un jeu, pis avec l'intelligence artificielle, ça venait tuer un peu l'immersion du jeu, là. De quoi, avec la petite fille qui était avec toi, elle était tout le temps dans tes jambes? Ouais, c'est ça. Puis quand t'essayais de passer un corridor, genre, tu te jamais dedans, puis des trucs de même, là, de vieux jeux poche. Là. Exactement, ouais. Puis j'essaie d'être furtif, puis elle se promène, elle fait plein de bruit, mais ça, c'est pas pire, le jeu, la voit pas vraiment, elle. sais, ça vient pas te nuire, sauf que... OK, c'est l'intelligence artificielle était bonne seulement qu'avec ton personnage, elle reconnaissait pas l'autre. Non, c'est ça, pour donner une chance, mais en même temps, moi, je trouvais que ça... Soit ça plate, là. Il aurait pu arranger ça, là. OK. Ben, la grosse sortie aussi de 2013, ça a été les Skylanders, là. Et ça, ça, ils n'ont vendu des tonnes, là. C'est incroyable. Ils ont réussi à faire, à trouver le moyen de faire bien d'argent. Ouais, c'est ça. Tu sais, admettons, Activision, là, puis Square Enix, là, avec Spyro, ils n'avaient pas fait beaucoup d'argent. Le monde aimait ça, mais tu sais. Ouais. Mais là, les Skylanders, ça n'a juste pas de bon sens. Tous les enfants, ils aiment ça, là, puis c'est vraiment malade, là. C'est comme donner du crack dans une cour d'école, là. C'est... Tout le monde veut... Tout le monde veut des figurines, puis ah ouais, bon, tu sais. Ouais, ben, c'est toi qui me parlais de ça aussi, à propos des figurines, là, qui sont faites à l'extérieur. Ouais, ben, c'est sûr que les figurines sont faites en Chine. C'est comme un peu tout ce qu'on utilise. Ouais. Puis j'avais vu à l'émission de Monsieur Net, justement, quelqu'un qui est de Binox qui voulait parler. J'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé. Hein. OK. Mais qui parlait qu'il avait été en Chine, qu'il avait vu tous les petits Chinois qui s'apprenaient. Ben, je dis les petits Chinois, là, il l'a pas dit, là, mais j'imagine que c'était plusieurs petits Chinois qui peinturaient ces des pauvres petites figurines. Ouais, ben, un peu comme les figurines de Donjon Dragon, là, qui vendaient le total, mais déjà peinturées, puis... Ouais, ça prend du monde pour faire ça. Ouais, c'est sûr, puis c'est que dans le monde dans lequel on vit, c'est comme ça qu'on fait affaire aux Chinois. Ouais, mais tu sais, c'est encore un peu rochant, tu sais, l'esclavagisme est encore pratiqué en Inde, au Pakistan, puis en Chine, là, tu sais. C'est un peu passé date, là. Ouais. Tu sais, je pourrais peinturer des petites figurines, là, mais... Pas à 20 cents de l'heure, par exemple. Non, ça, c'est sûr. C'est ça qui arrive. Puis, ils sont obligés de dormir à la job, là. Ça doit pas être trop le fun. Non. Puis des fois, ils travaillent dans des immeubles qui sont vraiment pas en bon état, puis ça leur tombe dessus. Je sais pas si tu as vu un peu le reportage qu'il y a eu dernièrement. Ah, ouais, dans le textile, là. Ouais. Au Pakistan ou quoi de même, là. Ouais, je pourrais pas dire exactement c'est où, mais ouais. C'est horrible, là, tu sais. Bon, ben, c'est pas grave, nous autres, on a du fun quand même, là, mais... Ou sinon, toi, à part Nintendo, à part Zombie U, quel gros jeu t'as joué? T'as-tu joué à un Zelda ou un truc de même? Ben, il n'y a pas vraiment eu de Zelda qui est sorti. Ah, ben, il a sorti celui-là sur Wii U, mais... Le Wind Waker? Ouais. Mais moi, j'avais déjà joué au GameCube, puis c'est loin d'être mon préféré, fait que j'ai pas l'intention de le racheter. OK, c'est-tu à cause du modèle un peu comme, dessiné à la... self-shading? Ouais, self-shading, ça fait ça, je voulais dire. Ben, moi je trouve les graphismes de jeu-là sont incroyables. J'aime ça, le self-shading, mettez-en à ben des places. Le problème, c'était vraiment le mode de jeu, là. C'était pas vraiment comme un Zelda comme je les aime. OK. Puis en plus, la promenade en bateau, ça devenait pénible. C'est parce que dans celle-là, tu te promènes surtout en bateau, il faut que tu diriges le vent. Ouais. Et je sais qu'ils ont arrangé tout ça dans la version Wii U, tu sais, pour rendre ça meilleur, mais est-ce que j'ai vraiment le goût de m'essayer à cette version? Non. Pas vraiment, non. Sauf que tu parles de Zelda, là, mais il y en a un qui va sortir là, bientôt en novembre sur 3DS. Ouais, Two World. Ouais, la suite de Zelda Link to the Past. Ah, OK. Au Super Nintendo. Ah, Colin, le super bon Zelda qu'on a tous joué dans le temps qu'on était au secondaire, là. Ben ouais, puis je pense que c'est bien, c'est un des meilleurs Zelda, c'est pas le meilleur, avec celui au 64, là. Il était moins compliqué que Ocarina of Time, mais... C'était bon, là, c'était plus action, puis c'était vraiment le fun, là. Ouais, fait que j'ai hâte de voir cette suite-là. Sur 3DS, c'est sûr que je vais acheter ça. OK. Puis toi, on parle de moi, là, toi à quoi t'as joué sur PC? OK, sur PC, comme tantôt, je parlais de XCOM Enemy Unknown. C'était un vieux jeu que je jouais dans le temps du 486. puis que j'adorais un jeu d'action ben, comme Échiquier tour après tour. Oui. Comme plusieurs jeux là, que Atlus faisait. Puis ils ont décidé de faire un remake du jeu, là, puis j'ai adoré. C'était pareil comme dans le temps, les mécaniques, les ennemis, la façon c'est refait était vraiment, vraiment comme l'original. Là. Il était aussi bon. Puis t'avais un genre de mode comme à côté avec ta base où ce que tu faisais des recherches sur les extraterrestres. Puis ils ont tout suivi comme le vieux jeu. Là, puis c'était vraiment excellent. Puis même qu'ils ont amélioré maintenant, au lieu de jouer avec le clavier, je me sers de mon Xbox 360 contrôleur pour jouer. Puis il était magnifique, le jeu. Je pense que j'ai joué à peu près 20 heures. Je l'ai terminé. Puis là, je sais que l'extension va sortir bientôt. Là. Est-ce que tu penses que ça va mieux jouer avec la manette qu'avec la souris? Parce que Sébastien, là, de Fun Jouer Jeu, là, ça me tentait de plugger, là. Eux autres, ils disaient qu'avec la souris, c'était pas grave. Mais est-ce que tu penses qu'avec le contrôleur, ça allait mieux? Ben moi, en tout cas, la première fois que je l'ai essayé, je l'avais loué sur console, puis j'avais joué avec la manette. OK. Fait que après ça, quand je l'ai eu sur l'ordinateur, ben j'ai continué avec la manette, puis j'ai adoré, là, ça va super bien, puis en plus le loading est réduit à peu près du tiers là entre l'émission, là, c'est hallucinant là, parce que sur le Xbox 360 là, t'avais le temps de prendre une petite bière, disons, entre chaque mission là, et ouais, ben c'est comme jouer à Skyrim sur console là, les loadings, ouais. c'est l'enfer comme assez long. Moi, tu sais, admettons, mon jeu préféré là pour fumer des clopes là puis boire de la bière, c'est Dead Rising 2 là. Ça, c'est hallucinant. Ah, ouais. Quand tu te promènes dans le centre d'achat puis que tu changes, admettons, de map là, t'as le temps de prendre 2-3 gorgées là, puis quand je joue à ce jeu là, je joue 2 heures puis je m'aganouille après là. C'est mon jeu pour me rendre sous en pas grand temps là. À chaque loading, il faut que tu boives pendant ce temps-là. Ouais, fait que c'est sûr que ça sort. Je suis tout le temps magané quand je joue à ce jeu-là en fin de soirée. Là. Ish. Bon, ben, je pense qu'on a. Ben, je sais pas si t'avais d'autres jeux que t'avais joué ces années que tu voulais parler. Ben, on joue-tu un peu. On joue-tu. On parle-tu un peu des jeux free-to-play? Ok, ouais, vas-y. Ouais, ben, moi, j'ai essayé plusieurs jeux là, cette année de free-to-play. Là, ouais. J'ai essayé MechWarrior Online, World of Tank, Dota 2, Donjon Dragon, DC Universe Online. Puis est-ce que t'embarques là-dedans? Ah, il y en a juste un que j'ai embarqué, puis que j'ai encore, puis que je joue de temps en temps, c'est DC Universe Online, parce que c'est plus comme un jeu comme moi j'aime, dans le fond, tu sais, que je joue tout seul, puis qu'il y a des bonnes promesses, puis qu'une fois que tu finis ton tableau, t'as un anime avec un petit film, ton bonhomme, t'es capable de jouer tout seul, puis de te faire du fun, tu sais. Puis par les quêtes, par les ennemis, puis c'est facile là, d'adaptation. Fait que, puis les jeux que j'ai pas aimés, puis que je trouve qu'ils sont identiques d'un à l'autre, c'est MechWarrior Online puis World of Tanks, tu sais, le même jeu ridicule avec un cercle dans le milieu, tu fais juste déplacer ta souris le cercle, tu sais, un peu comme les anciens jeux de pistolet ou ce ouais, que c'est plus stratégique. Ouais, mais wouf, j'ai vraiment pas trippé. Ah, pis, t'as pas aimé ça. Admettons genre t'as 4 tanks puis que là il faut t'ajettes avec du vrai cash des trucs pour modifier puis wouf. Ah, puis il paraît qu'ils font beaucoup d'argent avec ça, ils réussissent à avoir bien des poissons pour acheter des tanks. Ouais, ben ça, c'est sûr, tu sais, admettons, il y a gros du monde qui aime les jeux de plateau, puis les jeux de Deuxième Guerre mondiale, ils vont triper, là. Ouais. Ou ben, admettons, MechWarrior, ça, c'était la compagnie FASA, tu sais, qui font Shadowrun, MechWarrior, puis tous ces trucs-là, les gros tripeux de science-fiction, ils vont adorer, là, mais... Pis toi, qu'est-ce que t'as joué, admettons, de free-to-play que t'as encore sur ton ordi? Ben oui, j'ai Dota 2 que j'ai essayé, mais c'est tellement compliqué ce jeu-là, il faut investir beaucoup de temps. Ben moi, je trouve, c'est l'équipement, là. Il y a combien de cases d'équipement, pis d'items, pis c'est incroyable. C'est quasiment comme World of Warcraft, là. Tu peux avoir 13 habilités en même temps. Là. Ouais, c'est ça. Puis tout à l'heure, on parlait justement de Awesome Notes, qui, ouais, ouais. qui ressemble à Dota 2, mais en beaucoup plus simple, beaucoup plus action, tout de suite, là, tu sais. Ouais, ben, parle-moi un peu d'Awesome Notes, là. Mais j'ai le goût de te parler d'Awesome Notes, parce que c'est incroyable, ce jeu-là. Yes! Mais c'est exactement comme Dota 2, c'est... C'est un MOBA game, ça s'appelle, dans le fond. Ah, je sais pas. Pourquoi ouais. le terme MOBA, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est une méchante bonne question, puis on dirait que j'ai un blanc. C'est, okay. MOBA game, dans le fond, là, si je t'explique dans mes mots, là, c'est qu'il y a toujours des bots qui se pendent dans ta base, puis dans l'autre base, puis qui se okay. rejoignent au milieu ou à d'autres endroits. Là. Comme en somme, tu as tout le temps des bots qui se ramassent au milieu, puis qui s'attaquent. OK. Puis avec des tours. Fait que dans le fond, comme dans Awesome Notes, nous, on a des personnages. Le but, c'est de tuer le plus de bots possible pour se faire de l'argent. OK. Puis pour monter de niveau, pour pouvoir attaquer les autres joueurs qui sont contrôlés par des vrais gens. C'est il y a combien de gens qui jouent, admettons, par partie? Ben, dans Awesome Notes, c'est 3-3. Puis dans Dota, je pense, c'est 4-4. Ça se peut-tu, Dota 2? Ah, je pourrais pas te dire. Ah, non, ouais, j'ai joué une partie, je me suis fait massacrer, là, ça n'a juste pas de bon sens. Puis la plupart du temps, c'était même pas par des bots, c'était par l'ordinateur, tu sais. Fait que. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Puis Awesome Notes aussi, c'est les graphismes. Mais toi, t'as joué un peu à Awesome Notes, je pense. Je pense que j'ai genre 55 heures de jouer. Ouais, tu m'as rattrapé, puis ça n'a pas été long. Hein. J'ai genre 120 parties de jouer, là. Puis une partie, admettons, ça peut prendre entre 5 minutes à 20 minutes, mais c'est le genre de jeu que t'as pas le droit de lâcher, là, puis c'est le seul jeu qui m'a rendu accro que, admettons, quelqu'un m'appelle au téléphone, puis je réponds pas. Ouais, c'est ça, quand ta blonde a dit « c'est prête », mais tu restes devant ton ordi, puis ton repas se refroidit. Maman, j'ai prête! Ouais, c'est ça. Mais au moins, je vais gagner! Ouais. Bon, je pense qu'on va parler des jeux qu'on attend un peu là. Ok. Fait que là, ben moi là, ça sort cette semaine, là, puis j'ai vraiment hâte de jouer à ça. C'est Batman. Oh, le nouveau Arkham Batman. Origins. Ouais, ben t'as-tu lu un peu ce jeu-là? Parce que moi, je me suis pas vraiment informé. Ben non, mais moi, quand je sais que je vais jouer à un jeu, là, je regarde pas les vidéos, puis je lis rien, parce que, anyway, je vais l'acheter, fait que pourquoi je me ferais spoiler, gâcher des punchs ou quoi que ce soit, tu sais. Parce que moi, Batman, c'est mon héros préféré, fait que, vends-moi des bobettes, vends-moi des t-shirts, je vais les acheter. Moi, tu sais, mon héros préféré, c'est Iron Man, mais tous les jeux d'Iron Man sont mauvais. C'est vrai, ça. Je sais pas pourquoi, tu sais, pourtant, Tony Stark, il l'a l'affaire, là, ouais. Puis... Mais tous les programmeurs, tu sais, admettons, quand ils font un jeu d'Iron Man, ils font un jeu d'avion, tu sais. C'est what the fuck, là, ça pourrait être plus intéressant que ça. Ouais, mais comme les jeux de Superman, tu sais, c'est pas vraiment bon non plus, là. Ben, en tout cas, le dernier jeu de combat, là, qui avait sorti, là... Gods Among Us, je pense. Ouais. Injustice Force. Ouais, Injustice Force. Ça, là, c'est débile, c'est vraiment le fun, là. Mais tu sais, ils vont sortir la Legendary Edition pour le début novembre. Mais avec les consoles next-gen, on dirait de ce temps-ci, j'ai de la misère à dépenser pour m'acheter des jeux, puis j'aimerais peut-être ça attendre pour la console, là. Je suis encore indécis là-dessus, là. Ouais, mais c'est ça, mais pour quelle console tu penches le plus? Ah, moi, je vais prendre la PS4, là. J'ai eu un Xbox, puis je pense que je vais en avoir juste un dans ma vie. Là. Ben là, je dis ça de même, là, mais peut-être dans 20 ans, ça va changer. Là. Mais il n'y a pas de... Les jeux sur Xbox, ça ne tirait pas plus, comme Forza, Halo. Ben, ouais, t'es pas Halo. Ben, non, mais Dead Rising 3. Ouais. Gears of War. Ouais. Ah, je sais pas, là, je vais peut-être bien attendre. Là. Je suis indécis. Et moi, en tout cas, je dis aux gens qui ont été déçus de Xbox parce que à cause de leur annonce qu'ils ont fait à propos des DRM, puis là, à cause de ça, il y a plusieurs personnes qui ont quitté le navet du Xbox. Ouais. Et je vous dis, hey, la gang! Hey, capotez pas avec ça, là. Ils ont changé d'idée, puis tout le monde T'sais, tout le monde peut faire des erreurs, là. Pardonnez-les, là, puis allez-y, là. Vous aimez les Gears of War, les Halo, ça sert à rien d'aller sur le PS4, vous allez pas les retrouver. Je dis pas que PS4, c'est pas une bonne console. Je dis que si vous aimez ces franchises-là, ben, vous allez être déçu au bout de la ligne, là. C'est vous qui allez vous priver. Ouais, un peu, c'est comme Forza. Moi, je trippe parce que j'aime aussi bien la mécanique, puis... Pour les changements de moteur d'un véhicule, c'est des vrais moteurs, admettons, que tu peux changer avec les vrais cylindrés, puis j'aime bien ça, là, puis même du dernier Forza Horizon, là, qui était un peu plus arcade en restant réaliste avec les swap moteurs, puis tout ça, là. Microsoft, ils l'ont pour ça, là, puis c'est ça que je trouve dommage un peu aussi, qu'ils mettent pas tous leurs gros jeux sur ordinateur, là. Ouais, c'est ça, parce que ça leur donne plus d'argent de mettre ça sur Xbox. Ouais, tout le monde achète des consoles. Ouais, sinon, peut-être qu'ils vendraient moins de consoles, puis ils l'ont compris, puis ils l'ont jamais fait, là. Ouais, c'est ça, comme ils ont arrêté de mettre les Halo sur PC, les Gears of War aussi, il y a eu le premier sur PC, si je me rappelle. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis là, ils ont pas continué ça, parce qu'ils perdaient d'argent, j'imagine. Ouais. Des prochains jeux annoncés aussi que je vais jouer avec mon petit gars, ça va être Lego Marvel. Là. Ça, ça, c'est sûr que je vais me taper ça avec Charlie, là. Ça va être vraiment le fun. C'est toujours gagnant, ça, les Lego, là. Le Lego Star Wars, là, je l'ai fini quasiment à 100%. Là, avec mon gars, on a joué en tabarouette, là. Hey, y a un jeu que tu aurais joué avec ton gars, là, c'est Teenage... Les Tortues Ninja qui est sorti cette semaine. Ouais, ben tu sais, toi pis moi, on avait trippé sur le 2 dans le temps du Nintendo pis tout ça, là. Pis cette semaine, c'est sûr que je le loue pis la semaine prochaine, on fait la critique complète. Moi j'ai commencé, là, je veux pas te dire de le punch pis tout à la personne, mais c'est ça. C'est ça. C'est juste un gros E. Ben je commence, là, mais c'est ça. Ouais, c'est pénible. Ouais, un petit peu, mais je pense que c'est... Ben là, je trouve pas la critique, là, on change de sujet. Là. C'est bon. Non, admettons, pour les amateurs de guitare, il y a le prochain Rocksmith qui va sortir bientôt, le gros Battlefield 4 qui est super attendu, Assassin's Creed Black Flag. Ouais, ça va-tu être popé, ça? Ça va être, d'après moi, super bon, là... Moi, Assassin's Creed 3, j'ai vu pas mal de mes chums jouer, là. J'ai pas joué tel quel, mais c'est sûr que je vais le louer, en tout cas. Ouais, je pense que je vais le louer, puis on fera une critique là-dessus. Ouais, ça, c'est sûr qu'on va se le taper, puis on va en parler. Ouais. Puis moi, je vais surprendre tout le monde, et aussi cette semaine, un jeu qui sort, c'est Wii Party U. C'est un jeu sur la Wii U, puis c'est un jeu de party. Moi, j'avais joué à Wii Party sur la Wii. Okay. Moi pis mes chums, on trippe là-dessus, là, ça fait nos soirées. Pis, c'est quel genre de jeu? Ben, c'est ça ressemble à Mario Party. Ok. Fait que c'est plein de mini-jeux avec, c'est ça, plein de mini-jeux. C'est-tu, admettons, comme un jeu de plateau, pis là, tu lances un dé comme Mario Party, ou c'est plus comme... Ok, c'est comme ça? Ouais, t'as ce mode de jeu-là, sinon il y a plein d'autres modes de jeu qui sont différents à Mario Party. Puis dans l'an prochain, ça a l'air de vraiment utiliser l'écran qui est dans la manette, là, c'est sûr. Parce que... Ok. Puis t'as l'air d'avoir un jeu de Twister pour les doigts, là. que tout le monde se met les doigts, ouais, genre 400 personnes avec tous les doigts sur la même manette, là. C'est ça, on va beurrer ma manette, ça sera pas long. Moi, en tout cas, je sortirai pas de crotte de fromage avant de jouer à ce jeu-là, man. Non, c'est sûr, je vais acheter des affaires qui salissent pas les doigts, comme je sais pas, là. Ah, okay. Parce que moi, c'est ça. Quand ça va être de l'eau, puis ça va être un party belle fun. Ouais, c'est ça, exactement. De la bière, c'est tout. OK. Puis toi? Bon, c'est ça, là, on passe aux critiques de films. Ouais, parce que ça va être cette année. Bon, on a assez passé de temps là-dessus. On passe à la prochaine séquence. OK. Là, t'as-tu parti? Hey, on est de retour. Ouais, on est parti. OK. OK! Bon, ben là, aujourd'hui, on va vous parler aussi des meilleurs films qu'on a écoutés en 2013, le capitulatif de qu'est-ce qu'on a aimé nous autres. Ouais. Fait que toi et Seb, sur quel film t'as trippé cette année? Ben moi, je regarde ça là, vite, là, puis j'ai adoré C'est la fin. Ouais. Toi, tu l'as-tu vu, ce film-là? Non, je l'ai pas vu encore. Il paraît que c'est un film, un stoner movie, là, un film veg. ouais, c'est assez veg, c'est sûr. C'est avec la gang Seth Rogen. OK. Puis avec ben tous ces chums, là. Okay. Jonas Hill, je pense qu'il joue là-dedans, Jonah Hill. Puis, mais c'est, dans le fond, c'est la fin du monde qui arrive. Mais c'est assez, tu sais, je veux pas dire trop de punch, là, mais c'est vraiment bon, allez voir ça, OK? Gang. OK. Allez le louer, là, parce que c'est sorti en DVD. Puis, t'as-tu vu Maman, toi? J'ai pogné la fin en arrivant chez un de mes chums en moto cet été, là, puis, je sais pas, tu sais, j'étais pas convaincu, là. Ouais, ça, c'est bon. Toi, t'as aimé ça? Ben, j'ai pas haï ça, mais c'était pas le film extraordinaire, mais pour un film d'horreur, l'intrigue est bonne, la fin, c'est sûr, t'es un petit peu cucu, là, je trouve, mais sinon, le film est bon. Moi, en tout cas, mon classique de l'horreur pour 2013, ça va rester Evil Dead, le remake, là, par Fede Alvarez, je pense. Celle-là, là, c'est un classique à voir, là. C'est pas le choix, là. C'est vraiment bon. Même si vous avez vu l'original, là, c'est complètement changé, puis ça vaut la peine d'aller le voir. Ouais, puis surtout, changé pour le mieux, là. Ils ont rajouté de l'histoire qu'au début, tu sais, j'étais pas vraiment convaincu, mais aïe aïe, là, c'est débile, là. C'est à voir, puis à revoir, puis on se tente pas, puis c'est excellent, là. Ouais, puis c'est terrifiant aussi, puis on fait des sauts, puis... Ouais, puis il manque... Moi, je pensais, vu que c'était un producteur mexicain, que peut-être que ça aurait manqué de budget ou ça aurait fait moins peur. Tu sais, genre un film de lutteur là, mexicain. Ils ont tous des masques. Puis ils se font pas de suplex, là, c'est correct. Mais c'est ça, là, genre... j'ai adoré ce film-là, là. Il faut aller le voir, là. Ouais, il faut aller l'acheter. That's it. Ouais, moi, je l'ai acheté à prévisionner, puis à date, je pense que je me l'ai tapé trois fois depuis que je l'ai acheté. Alors, on va y aller avec un de tes favoris, d'après moi, là, Iron Man 3, tu l'as vu? Ben oui, je l'ai vu, mais par exemple, à cause que Marvel a été vendu à Walt Disney, il y a une couple d'affaires que j'ai moins aimé dans le film. Tu penses que ça change tant que ça? Ben là, tu sais, Tony Stark, il est même plus alcoolique, premièrement. Il frime un peu moins qu'avant. Ouais, ça c'est sûr. Mais je pense que là, au lieu de boire, il fait de l'anxiété. C'est quoi ça, là? T'sais, quelqu'un qui boit, il n'est pas stressé d'habitude, là. Ouais. Moi aussi, ça m'a déçu un peu là, que Tony Stark soit comme ça, mais je pense que c'était dans l'histoire. C'était Iron Man 3 était plus. Il était plus faible, dans le fond, là, Tony Stark, à cause de dans Avengers, on va se rappeler de ce qui est arrivé à la fin. Ouais. Ça l'a vraiment perturbé quand il a envoyé la bombe atomique là, dans l'espace. Ouais, ils ont voulu le montrer son côté plus humain et puis moins show-off. Là. Ouais, c'est sûr que c'est moins. Mais par exemple, là, moi, qu'est-ce que j'ai adoré, là, c'est l'annonce de ce film-là, tu sais, tout le monde disait que ça va être le mandarin, le méchant, puis là, on voyait les annonces à la TV, puis ah, le mandarin, puis t'arrives dans le cinéma, puis clac, surprise! C'est... Spoiler alert! Non, mais là, je pense que tout le monde l'a vu. Ben là, j'espère pour vous, parce que on vient de... Mais en tout cas, c'est ça, là, c'est toute une surprise, là, que je trouve que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça pour un film, là, de... De pas l'histoire, dire le punch. Ouais. Converge différemment, là, ouais. Ouais, ça, c'est vrai aussi, ça m'a pris par surprise, puis ça fait du bien, là, de. Que tout soit pas raconté dans un trailer. Ouais, ben, c'est ça que tu m'as dit, là. Maintenant, les trailers, là, tu commences à être fatigué à cause qu'elle monte un peu trop, là. Ouais, exactement. Ça, c'est Iron Man 3, c'est un des films que j'avais réussi à pas voir grand-chose, là. Je me cachais les yeux quand je voyais un trailer, puis je me bouchais les oreilles. Ouais. Mais ma blonde, elle les avait écoutés, le trailer, puis elle avait dit, ben comme toi, là, qu'il spoilait pas tant que ça. Ouais, puis, ben, pour faire changement d'idée. Le contraire. Voilà deux semaines, j'étais voir Machete Kill. Ouais, ouais. Puis il y avait des présentations, parce que celle-là, il a été fait par un film produit, ben, distribué par VVS. Puis là, j'étais pas sûr d'aller le voir, parce que les films VVS, là, on s'entend que la plupart du temps, c'est assez BS. Puis c'est ça, admettons, il présentait deux films avant que VVS avait fait. Mais là les spoilers, c'était non-stop, puis des présentations de films qui durent, admettons, des annonces de 4 minutes puis qui montrent tous les meilleurs moments du film. Tu sais, ouais. Là, c'est sûr que t'as de l'air intéressé à aller voir le film, mais t'as vu le meilleur, fait que j'ai pas trop catché, là. Ouais, je comprends. Il la montrait vraiment trop, là. Puis sinon, toi, qu'est-ce que t'as bien aimé cette année, en 2013, mon Seb? Ben, moi, j'ai bien aimé. Ben, j'ai pas bien aimé, mais je vais en parler, c'est Superman. Ouais, pis? Ben, tu sais, moi j'aime bien les super-héros, pis tout, j'aime bien Superman aussi, mais j'ai pas trouvé que c'était un bon film encore. C'était pas extraordinaire, je trouve. Un peu comme le dernier Superman, là, quoi. Ouais. Mais toi, tu l'as vu? Non, pas encore. Je sais qu'il sort la semaine prochaine. Ok. En sortie DVD, fait que je devrais aller le louer là, puis me le taper là. Parce que moi avec, ben tu sais, il y a du monde avec qui je travaille qui m'ont donné des spoilers. Ah, tu sais, j'ai pas aimé la fin du film. Là. Ben, Smart Man. Fait que là, ça m'a pas vraiment donné le goût. Non, mais il y a une couple de films aussi cet été de super-héros que j'ai manqué à cause des mauvaises critiques, comme le dernier Wolverine aussi. Wow, ben les critiques étaient bonnes, celle-là, me semble. Ouais, mais toi, y as-tu été? Ouais, j'y étais. Pis, c'est-tu un classique ou c'est passable? C'est ça. Ouais. C'est passable, c'est bon, mais c'est pas plus que ça. OK. Tu sais, tantôt que je parlais un peu de Rodriguez, mais un des meilleurs films que j'ai aimé cette année, c'est de Quentin Tarantino, c'est Django. Ah, oh, ouais. Django déchaîné, là. Ah, oh, ça, c'était malade! Encore comme tous les autres films de Tarantino, la musique excellente, le shooting, ouais. Les acteurs, les décors, puis Monsieur Fox, qui joue l'acteur principal, puis tout le monde, DiCaprio, puis... Moi, j'aime bien le Christoph Waltz. Ouais, celui-là qui joue l'allemand. Ouais, il jouait ouais. L'allemand dans Commando des bâtards. Ouais, puis l'allemand aussi dans... Ok, c'était un allemand aussi là-dedans. Django, ouais. Ok, mais je l'ai vu, mais je m'en rappelle pas vraiment, ça fait longtemps, mais... Ok. Je me rappelle que cet acteur-là, lui, il est vraiment bon dans tous les rôles que j'ai vu jouer. Il est quelque chose. Ok, tu penses qu'il est aussi bon acteur que le gars qui fait, admettons, Batman, là? Tu parles de l'acteur qui fait Batman? Non, je pense pas. Là, on a un blanc de mémoire, les deux. T'es sorti de nulle part, là. On s'aide pas ben. Non. Ou sinon, admettons, moi, le dernier film là, qui m'a vraiment foutu la chienne, là, puis qui m'a marqué, c'est Sinistre. Tu l'as-tu vu? Non, j'ai pas vu Sinistre. Ah, ça, là, c'est écœurant, ce film-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film, puis qu'après ça... J'avais de la misère à fermer les lumières dans la maison, là. OK. Il était vraiment bon. Je le conseille à tout le monde. Tu sais, admettons, Evil Dead, c'est plus comme un film gore puis action, mais sinistre, là, à cause, je sais pas, de l'environnement puis tout, là. Un film d'horreur. Ouais, ils te réussissent à te placer dans un état de peur, là, puis d'incontrôle, là. Je sais pas, ça marche, ça. Mais ça parle de quoi, à peu près, là, rapidement? Ok, ben, c'est un écrivain qui achète la... sinon, je veux dire, trop de spoilers, là. Ok, c'est bon. Non, je te laisse l'écouter, là. On en reparlera une fois que tu vas l'avoir écouté. Ah, j'ai tellement d'affaires à écouter. Puis là, toi, Seb, tu veux-tu nous parler d'un dernier film que t'as grandement apprécié cette année? Cette année, si je fouille dans ma mémoire... Ça fait pas mal le tour, je pense. Ah, ben, c'est good, ça. Fait qu'on va terminer cette section-là comme ça. OK, c'est parfait. OK, salut! À tantôt! Hey, vous êtes toujours au best podcast ever. On est à la troisième séquence de notre première émission. J'espère que vous aimez ça à date. Nous autres, on trip ben raide à faire ça pour vous. Puis on va en faire encore plein. Yes, sir! Si on est plus que 10 personnes qui nous écoutent. Ouais, il faudrait des likes. fait que c'est ça, notre troisième séquence, c'est là qu'on va parler d'un peu qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine. Puis c'est là qu'on se lâche lousse, là, c'est sujet libre dans le fond. Fait que Steve, je pense qu'il se passe de quoi ça reste, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fin de semaine, Hangover Productions fait une soirée spéciale au Loup Rouge. Il va avoir un hommage au Misfit spécial Halloween. Ça, ça va vous faire triper parce que premièrement, les Misfits, c'est toutes des tunes d'horreur, des vieux classiques, du punk rock, des années genre 80 jusqu'à aujourd'hui, puis le groupe marche encore, puis quoi de mieux que d'aller voir un show d'horreur avec du punk en plus en même temps, puis les Misfits, les hommages, c'est juste dans le temps de l'Halloween, fait que je vais en profiter pour y aller. Puis la soirée a une thématique spéciale, c'est que les femmes sont habillées en pin-up, puis les gars en zombie. Puis c'est quelle date? Ben là, c'est samedi qui s'en vient. Ok, c'est ça. Attends un peu, là, c'est... Ça se trouve être le 26. Samedi, ouais, c'est ça, le 26. Fait que... Puis, c'est ça, là, ça doit être à partir de 21h, le coût est de 8$, puis c'est ça, on devrait bien avoir du fun. Le Loup Rouge, c'est une microbrasserie, fait que ils brassent leur bière, ils font la tournée, admettons, de Saint-Jean, là, pour le festibière. Ouais, à Chambly. Ouais. J'ai vu leur bière à Chambly, puis c'est vrai qu'elle est très bonne. Ouais, c'est ça. Puis ça va être une grosse soirée punk rock en chambre, puis on va avoir bien du fun. Ben, j'espère qu'il y a bien des gens qui vont entendre ça, puis qui vont y aller, là, nos 10 auditeurs, là, sur ma mère, puis... ma mère, elle va y aller à ton show. Ça va être le fun, là! On va triper! Elle va faire du stage diving, ta mère va faire la tienne. Ouais, non. Ma mère, elle fait pas ça. Puis, je voulais te parler aussi, là, tu sais, j'ai deux annonces, là, qui me tapent, c'est énorme, qui posent tout le temps à TV, là, elles sont fatigantes. T'as-tu vu la fameuse annonce de Premier Care? Admettons un bain à porte que tu peux prendre ton bain debout assis dedans. Tu sais, admettons, là, ils disent, j'avais retrouvé ma dignité en prenant un bain debout. Ouais. What the fuck, man? Prendre mon bain debout, là, j'aurais le goût de faire mes besoins, puis tu sais, je serais pas sûr si je serais sur une toilette ou dans mon bain, puis là, peut-être qu'il y aurait genre des sous-marins bruns, là, puis je me claquerais des lignes de sel de bain, là, puis man, je capote cette annonce-là, Chris, moi, ton, la pec, ton hostie de bain de boucle, là, puis c'est ça, là, je veux plus qu'elle passe. Ou sinon, là, tu sais, t'as vu l'autre annonce, là, des petites grosses de Herbal Magic? Vous avez 3 mois gratuits pour... J'ai perdu mon gras de fesse. Maintenant, je suis heureuse. Ça a été ma délivrance. Non, j'ai pas vu ça, non. Ah, ouais, là, c'est, genre, c'est des bouteilles qui te vendent, là. Tu te cales ça, là, pis t'es tout le temps en train d'aller chier aux toilettes, là. C'est n'importe quoi, tu sais. Herbal Magic, en plus. T'as-tu vu le nom? Moi, chez nous, quand je prends des herbes magiques, ça me donne faim, ça me donne pas le goût de maigrir, là. C'est n'importe quoi, là. C'était le pétage de coche à Steve. Ouais. Ou, tu sais, comme les tweets, là, de Magic Seal, là, tu sais, qui font flotter des chaloupes, là, en screen. Ouais, il paraît que ça marche, ça. Ah ouais, ça doit marcher 30 secondes, là. C'est pas ce qui est né, là. C'est n'importe quoi, là. Pis toi, y a-tu des trucs, là, qui purgent à TV? TV, non. J'écoute pas assez la TV pour que les publicités me purgent. J'enregistre mes émissions, pis je passe les annonces, là, assez rapidement. Là. Ouais, ben moi, c'est plus écouter, admettons, les télénouvelles, là. Fait que là, je vais te taper ça en plus. Arc! Bon, ben, pour finir l'émission, on se laisse-tu sur la petite chanson des lutins en orbite? Ben, ah ouais, on finit l'émission de même, là? Ouais, ben, à moi et toi... T'as... Ouais, j'ai d'autres choses à dire, bon. Bon, ben... Hey, oubliez pas de nous envoyer des emails à lbpdce@gmail.com. Dites dites-nous les là, si vous avez pas aimé là, les remarques là, sur de bain et douche à Steve là. T'sais, si vous êtes une personne handicapée puis vous aimez ça là, vous avez le droit là puis qui est sur Facebook aussi à notre c'est le best podcast ever. What? Sur Twitter et Facebook puis c'est ça maintenant mais je voulais qu'on parle un peu aussi nous on est des personnes qui écoutent beaucoup des podcasts. Ouais, pis c'est raison. Puis c'est un peu ça qui nous a poussé à faire un podcast parce que on est inspiré par plusieurs podcasts. Comme j'aimerais ça que t'en nommes un au hasard comme ça là. Ben moi j'aime bien admettons le site Horror Web avec le dernier podcast sur la gauche. Ouais. Ça je trouve ça bien intéressant, tu sais, vu que je fais beaucoup de voitures puis à peu près 80 minutes de route par jour, ben j'ai le temps de m'en taper mes 4-5 podcasts préférés. Là. Ouais, puis moi j'aime fun de jouer le jeu. J'avoue, cette gang-là me fait capoter, c'est eux autres qui m'ont vraiment donné la piqûre des podcasts. Il y a aussi Horror Gamer que j'apprécie beaucoup. Ah là. Ouais. Puis des fois, là, même dernièrement, ils ont fait une activité là d'écouter un film en gang avec Skype, un film gratuit sur Justin TV. Là. Je trouvais ça intéressant, même si cette soirée-là, j'ai pas pu, là, mais je pense que je vais m'en reprendre. Ah, ils font ça, eux autres. Ouais, ouais, ouais. OK, ça doit être cool. Est-ce que Steph Perreur participe à ça? Je peux pas te le dire, j'ai pas écouté le résumé, admettons, de leur écoute de film, parce que je trouvais ça inutile, admettons, d'écouter du monde qui commente un film que j'écoute pas. Là. Ah, ok, ouais, non, c'est sûr. Je comprends. Puis toi, admettons, comme autre podcast que t'apprécies, ça serait lequel? Ben, c'est sûr, les plus populaires, mais que j'adore aussi, c'est le Radio Talbot. Ouais. Puis Les Mystérieux Étonnants, parce que moi, j'adore la BD, puis eux autres, ils en parlent souvent, puis ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, je voudrais leur dire chapeau, eux autres, pour leur podcast All-Star, là. Ben ouais, c'est tout, ça a l'air d'être toute une job à organiser. Ouais, avec ben du monde, puis tout ça, là, puis je trouve ça le fun, là. Ben ouais, c'est vraiment une bonne idée, puis on espère se faire inviter dans un jour. Ouais, ben là, il va falloir faire au moins 25 épisodes, minimum, pour qu'on soit crédible. Ben ouais, non, ça c'est sûr. Fait que j'espère que un jour, tu sais, je fais un jour, on espère y aller, mais sinon c'est pas plus grave que ça, parce qu'il y a plusieurs autres podcasts qui sont plus vieux que nous, c'est sûr. Fait que là, Seb, la semaine prochaine, je te mets au défi de faire la critique pétage de coche. Hey, je le sais sur quoi, là, j'ai joué à un jeu là, qui s'appelle les Tortues Ninja, fait que je pense que ça sera pas trop compliqué. Ok, c'est good, ça. Hey, ben, on va vous saluer tout le monde, puis j'espère que vous avez aimé notre première émission. Donnez-nous des commentaires, on va aimer ça. Vous voulez. On vous aime, puis on vous souhaite une bonne semaine. Ok, ciao tout le monde. Ciao, ciao.